Game Trip FM, c'est tous les samedis de 11h30 à 12h30 sur BLE Radio. Wesh ma gueule. Wesh ma gueule. Les sourds McFlan et ses secrets anglais. Check ça bien. T'as vu? T'as vu? On est sur Game Trip FM, bienvenue à tous, bienvenue sur Game Trip FM, votre émission dédiée aux jeux vidéo sur BLE Radio, la radio plus proche des Lorrains. Cinquième épisode cette semaine après une longue pause de 2 semaines, désolé. Hein. Et évidemment, on revient avec le meilleur de l'actu des jeux vidéo, du rétro gaming bien sûr, mais pas que, en compagnie d'une partie de la rédaction de GameTrip.net, le site de référence des jeux vidéo depuis 11 ans sur Internet. Et comme chaque semaine, la vanne que Jérém adore, on va vous embarquer dans le monde des petits et des... gros bits. Voilà, et faire un voyage dans le temps vidéoludique. J'avais envie de le mettre. Comme personne n'a jamais vu, ne m'a jamais vu moi à côté de Batman, à mes côtés aujourd'hui, j'ai mon némésis, Lex Luthor, alias Jérémy. Salut Jérém. Salut. Avec toi, on va parler cette semaine, et comme d'habitude, de l'actu des jeux vidéo récents. Et de nouveau, cette semaine, on accueille également Ben pour ses fameuses péripéties au coin du feu. Salut Ben. Salut. Par contre, juste un doute. Quoi? Batman, c'est pas le Lex Luthor, c'est pas le Némésis de Superman. Putain, qu'est-ce que je raconte? Mais ouais, lui, c'est voilà, Superman. On a des appels dans tous les sens. Le standard explose. Le standard vient d'exploser. Les fans sont. Alors, on l'a refait. Je recommence. Scandalisé, quoi. Et comme personne ne m'a jamais vu à côté de Superman. Voilà. C'est bon, mieux. Bref. Ben, de quoi on va parler à midi dans la chronique? Eh ben, on va à nouveau parler de la franchise Fallout avec une autre péripétie, voilà, qui m'est arrivée dans Fallout 3. Mais ça t'arrive vraiment? Ouais, ça m'arrive vraiment. Ouais. C'est des choses que je ressens inventé, vraiment. Hein. C'est pas inventé. Là, c'est très personnel. D'accord. Et ben, on va en parler à midi au menu de l'émission aussi. On va vous faire gagner South Park, l'anal du destin sur PS4. C'est sorti mardi dernier. On vous l'offre. Comment le gagner? Il suffit d'aller liker la page GameTrip.net sur Facebook. Et ensuite, vous likez, vous partagez le post. C'est tout bête. Faut bien liker la page parce que sinon, Facebook ne me permettra pas de vous contacter en MP derrière. Ensuite, notre test de la semaine, ce sera dans 25 minutes et c'est Star Fox 2. Un jeu oldies, mais pas vraiment, puisqu'en fait, il devait sortir en 96, c'est ça? 96. 95, je crois. 95 oui, sur Super Nintendo. Ouais. Il est jamais sorti et donc, en exclusivité, 22 ans plus tard, il est sorti sur la SNES Mini. Et on en parle tout à l'heure. À midi 10, on va parler oldies et rétro gaming, évidemment, avec l'actu des derniers jours, et notamment la Game Boy qui va revenir elle aussi, comme si on n'avait pas assez de consoles mini, d'ailleurs. Juste après, à 12h15, pas de chronique musicale cette semaine, mais un petit quiz très rapide sur la difficulté dans les jeux vidéo, parce que à 12h20, notre débat tous ensemble, cette semaine, ce sera sur la fameuse difficulté dans les jeux vidéo. Depuis 30 ans, il s'avère que la difficulté a un petit peu baissé, on peut le dire. On est passé de Tintin au Tibet avec la hitbox de malade jusqu'à Call of Duty, où il fallait tirer 17 fois dans le dos pour perdre un quart de la barre de vie. Sauf que voilà, un super jeu pardon, du nom de Cuphead est sorti, c'est ça? Ouais. Et les gamers ont redécouvert le plaisir d'en chier. Et un million de gamers en 2 semaines, peut-être. C'est ça, et les plus jeunes succès, sur Twitter, hein. Là, ils pleurent des larmes de sang. Donc vous avez, vous aussi, la parole si vous souhaitez participer au débat, donner notre avis sur les jeux, est-ce qu'ils sont plus ou moins difficiles maintenant, nous parler de votre ressenti, ou si vous avez joué à Cuphead, laissez un message sur Twitter avec le hashtag BLE Radio, et sinon vous pouvez aussi commenter sur les pages officielles Facebook, BLE Radio Officiel ou GameTrip.net, et vous pouvez aussi intervenir en direct, il suffit de nous laisser un petit message, je vous rappelle. En attendant, on commence avec la revue de presse de la semaine dans le monde des jeux vidéo, et c'est donc Jérém qui commence. De quoi on parle cette semaine? De Super Mario Odyssey, qui va sortir donc la semaine prochaine, donc le 27 octobre pour être précis, donc sur Switch forcément, la nouvelle console, on va dire, phare de Nintendo. Donc pour changer, Peach a été enlevé par Bowser. Merde, énorme. C'est original. Ah ouais, non, c'est, alors là c'est un truc de fou. Coup de tonnerre dans le monde du jeu vidéo. Et donc pour la 18e fois environ, elle s'est fait enlever, elle a toujours pas compris comment il fallait faire. Et alors ce qui va, c'est un peu misogyne ce que tu dis, un sous-entendu. pas du tout. C'est pas mon genre. Balance ton port. Et du coup, non, alors ce qui va surtout beaucoup changer dans cette version, c'est va y avoir beaucoup d'ambiance noir et blanc. Ça vraiment niveau visuel, ça rend vraiment très bien. Il va y avoir beaucoup d'actions qui vont se faire avec le lancer de chapeau en fait du plombier, car apparemment il est toujours plombier finalement. Ah oui, on avait dit il y a 2 semaines qu'il était. Il est toujours plombier après. Bon, j'ai envie de dire qu'il il a retrouvé du taf, quoi. Voilà. Et donc sinon l'objectif, c'est comme je crois les derniers opus, c'est de collecter des lunes. Donc voilà, les lunes de pitch, peut-être, je ne sais pas. Oui, d'accord. Ok, c'est ce que je disais à l'instant, quoi. Voilà. C'est un peu bizarre. Et sinon, non, pour les autres innovations, Mario va beaucoup pouvoir se transformer. Donc il va pouvoir se transformer en morceaux de viande. Il va pouvoir pour attirer des oiseaux, pour être emporté vers des autres endroits. C'est en fait. Pas en côte de porc, j'espère. Je ne sais pas du tout. Alors c'est pas précisé si d'accord. C'est de l'agneau, du porc, du poulet. Je ne sais pas. De la tortue, il y a des chances. Et sinon, non, donc en morceaux de viande, en poulpe pour se déplacer forcément plus vite sous l'eau. Et il y a encore 2-3 transformations, mais on n'a pas encore eu accès à tout. Super Saiyan 3. Peut-être, on ne sait jamais. Avec le chapeau qui dégage. Enfin, on peut s'attendre à tout. Et donc voilà, c'est un opus qui est vraiment très attendu, qui a l'air vraiment vraiment très sympa, autant visuel. Visuellement que niveau des innovations, avec le lancer du chapeau, il y a beaucoup de choses à faire, les transfos. Donc voilà, ça sort la semaine prochaine, le 27. Uniquement sur Twitch, forcément. Sur Twitch. Évidemment, cette console magnifique de Nintendo. Alors, moi, j'ai une petite news. Vous connaissez mon appétence un peu pour tout ce qui est Tycoon, Sim Truck, tous les jeux vidéo de gestion, notamment. Les jeux allemands, par exemple, où il faut gérer les chantiers, les routes, les villes, les parcs d'attractions, les kebabs, tout ça. Et ben, j'ai vu récemment sur Steam un jeu qui s'appelle Party Hard Tycoon. Party Hard Tycoon. Alors, vous que ça c'est allemand, ça. Je pensais que c'était un genre de simulation de parc d'attractions allemand. Et non, en fait, c'est un gestionnaire de gros stuff. En fait, c'est un jeu de gestion de business. Un peu comme dans Pizza Syndicate. Alors, je sais pas si vous vous rappelez de Pizza Syndicate. Comme tu nous cites un truc que personne ne connaît. Voilà. Donc, comme dans Pizza Syndicate. Pizza Syndicate, si vous connaissez pas, faudrait que je fasse un test un jour. C'est un jeu où, en fait, on gérait une franchise de pizzeria. Ouais. On devait faire le menu. Donc, fabriquer les pizzas, savoir ce qu'on mettait au menu. Et en même temps, c'était une couverture pour la pègre. Parce qu'en fait, vous étiez dans la pègre. Ah, cool. Et il fallait en plus gérer votre stock après de marché noir derrière et tout ça. Et c'était un truc où il y avait une espèce de guerre des zones. Il fallait mettre de plus en plus de pizzeria. Le concept est marrant, en tout cas. Voilà. Et ça, c'est un jeu oldies qu'on va tester sur Game Trip bientôt. Et ben là, c'est pas un peu pareil. Vous construisez, en fait, votre bise de fête. Vous construisez votre dance floor. Vous l'agrémentez tout ce qui peut être utile. Genre un bar. Vous choisissez les DJ, le prix de la coke, le nombre de videurs. Le but, c'est des pitchs qui dansent, du GHB. Voilà, c'est ça. Et ouais, tu définis le nombre de GHB que tu mets dans un verre. Tu vois, c'est comme le sel dans les frites. Voilà, comme le sel dans les frites dans tes parcs. Et donc là, le but, c'est de faire le plus de blé possible, forcément. Alors, il y a plusieurs thèmes. On peut faire des raves dans les champs. On peut aller sur un bateau en mode RFM Party 80. Mais bon, il y a un peu plus de danse et d'extra, hein, comme tu disais, un peu moins de Sardou quand même. Et il y a aussi une super programmation musicale dedans. Ça a l'air d'être de la création. Ça a pas l'air d'être du vrai son. Mais ça a été fait pour le jeu, mais c'est vachement cool de ce que j'ai vu. C'est un peu l'ambiance et le côté graphique d'un Hotline Miami, qui était un jeu qui est sorti il y a pas longtemps. Quoi, vous connaissez pas Hotline Miami? Non, Hotline Miami, ça a fait un carton il y a 3-4 ans. Mmh. C'est des gros pixels, c'est un peu un peu comme les films un peu années 70-80, avec l'esthétique années 70-80, du très rouge, du très rose, un peu dans tous les sens, comme Miami Vice, comme... Voilà, c'est des choses comme ça, c'est du 2,5D vu de dessus, hein, avec des gros pixels, il y a des vannes borderline dedans, il y a un humour assez trash, voilà, c'est dans la vague pixelisée un peu du moment, c'est en accès anticipé pour l'instant, ça vaut 8,99 avec la promo du moment sur Steam, et c'est la fausse suite d'un jeu nommé Party Hard, qui a été fait par le même éditeur, et ça c'était un jeu de stratégie puzzle, où il fallait empêcher les gens de faire la fête justement, on était un gros redneck qui en avait plein le cul d'entendre des voisins faire la fête, et le but du jeu c'était un jeu de gestion où il fallait empêcher les gens de faire la fête, bah maintenant c'est l'inverse, il va falloir faire votre fête vous-même. Et il y a un pack sur Steam avec les deux jeux, l'OST qui coûte pas cher. Donc c'est mon petit... c'est pas un coup de cœur, mais presque. Ben, une autre news peut-être? Ouais, j'hésite entre les deux là. Allez, je vais faire celle de Détective Pikachu. Ah oui, s'il te plaît. Détective Pikachu, donc c'est un des jeux de la franchise Pokémon. Et il va avoir droit à son adaptation au cinéma. Alors pas en prise de vue réelle, hein, ce sera un animé, quoi, si on peut dire. Et ce qui est balèze, c'est les acteurs qui sont pressentis, enfin en tout cas convoités par Legendary Pictures pour incarner Pikachu, qui est censé avoir une grosse voix en tant que détective Pikachu, avec un petit chapeau de Sherlock Holmes aussi sur la tête, il est mignon. Donc les acteurs convoités sont Dwayne Johnson, alias The Rock, Hugh Jackman, alias Wolverine, Ryan Reynolds, alias Deadpool, et Mark Wahlberg, alias mauvais acteur. Mark Wahlberg, quoi. Donc, j'en veux dire voilà. Qu'après avoir joué Green Lantern, il peut faire Pikachu. Mais il a joué surtout un très bon Deadpool après. Oui, non, mais Green Lantern, c'est tellement. C'était déjà un peu coloré. Voilà. Okay. Donc, c'est rigolo. C'est casting étonnant. Mais casting étonnant, mais je me demande ce que les mecs, parce qu'ils ont. Aucun contact n'a été pris avec les acteurs pour l'instant. le tournage va débuter en janvier, c'est quand même bientôt. Ouais. Donc, fake ou pas fake, je sais pas, mais. Ouais. Voilà, c'est bon. On va voir. J'attends vraiment de savoir, d'en avoir un peu plus. Ok, voilà. J'irai. Peut-être une autre news moins drôle. Moins drôle, non. Il y a une petite anecdote qui va plaire à Ben. Ah. Football Manager 2018, qui est enfin annoncé le Graal, qui va donc sortir le 10 novembre sur PC. Et on vous invite à réécouter la chronique de Ben, la dernière émission. Et justement, exactement. D'ailleurs, j'y ai pensé très fort quand j'ai fait cette news. Donc après, niveau du gameplay pur, il y a rien qui va vraiment changer, ouais. Voilà. Oui. Mais a priori, justement, il y avait une anecdote pour cette année. Il y a un joueur de Montpellier qui s'appelle donc Aguilar, ouais. Qui joue donc en Ligue 1. Abel Aguilar. Qui est Ruben. Ruben, oui. Et donc il a 24 ans et en fait il a été contacté par le sélectionneur de la Bolivie. Oui. Parce que en fait sur Football Manager sa double nationalité, il était mis en double nationalité français bolivien. Alors qu'en fait, il est juste né à Santa Cruz, mais en Espagne. Enfin, donc, tellement. C'est génial. C'est rien à voir. En fait, il est né à côté d'un restaurant bolivien à Toulouse, en fait. La Bolivie l'a contacté. C'est quand même ouf la portée de, mine de rien, la portée du jeu et de la base de données, quoi. Tout le monde y joue. C'est ça. On a encore deux petites minutes pour peut-être une autre news. Qui veut la prendre? Jérém? Moi, je veux juste parler de Scorn. C'est un FPS qui est développé par Ebb Software. Financé par le crowdfunding, dont la première partie va sortir courant 2018. Et c'est un truc dégueulasse. J'adore. Les premières images sont sorties, sont sur le net, où on est dans une espèce d'environnement organique, comme ça on sait pas du tout ce que c'est. On a des armes, c'est un peu comme le comme Existence. Ouais, exactement, voilà. Comme le pistolet organique dans Existence. Où voilà, le personnage il charge son arme, des espèces de trucs dégueulasses qu'il met dedans et tout. Il y a plein de bestioles, ça ressemble à des poulets mutants. Ça fait un peu penser à un niveau dans Blood, un vieux FPS formidable. Mm-hmm. Et donc voilà, c'est tout dégueu, c'est tout Cronenbergien, donc forcément j'adore. Donc t'adores. Ça sort quand ? Première partie, un jeu plusieurs parties, la première partie Days In sort au courant 2018, et le jeu s'appelle Scorn. Scorn, ok. Ça veut dire quoi Scorn ? Je vois. Ça fait un peu nordique comme ça. Ah, j'avais vu, oui. J'avais regardé, mais je sais plus ce que c'est. Ouais, c'est une hache légendaire dans Diablo 2. Diablo 3, pardon. C'est genre défaite, c'est un rapport à la défaite, okay. Une espèce de situation où t'es pas bien. Si vous savez, vous nous envoyez un message sur la page GameTrip.net. Peut-être une dernière petite news rapidement. Oui, alors du coup, vu qu'on le fait gagner tout à l'heure, le jeu South Park, l'Anel du Destin, c'était juste pour un tout petit brief dessus. Concrètement, vous êtes un personnage qui s'appelle Le Nouveau dans la ville de South Park, qui s'appelle vraiment Le Nouveau. Mm-hmm. Et ça reprend un petit peu ce qui se passait dans le premier, c'était le bâton de vérité. Le bâton de vérité. Et donc là, vous êtes au début un héros d'Heroic Fantasy, justement, qui joue avec ses potes, et vous allez finir en héros Marvel, Capcom et tout ça, parce que, en fait, c'est juste plus tendance, finalement. Et du coup, vous allez vous battre avec Cartman qui s'appelle le Coon, je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle le Coon d'ailleurs, justement. Ouais, c'est le raton laveur, c'est le super héros raton laveur. Mm. Et c'est un petit RPG super marrant. Il y a plein de vannes de cul, de. Comme d'hab. Et sauf que la version là n'est pas censurée et c'est vraiment apparemment hard. The place to be, the game to buy, the game to win même puisqu'on vous fait le gagner tout à l'heure. Enfin, on vous fait gagner même tout de suite. Quel enchaînement. Il suffit simplement de nous envoyer, de liker le post qui est sur la page officielle GameTrip.net sur Facebook ou sur Belle Radio officielle sur la page internet aussi, la page Facebook, et vous likez, vous partagez, et puis on tirera au sort le gagnant. On va passer au coup de gueule et au coup de cœur de la rédaction. Les coups de cœur et les coups de gueule. Et on commence par Ben. Quel est ton coup de cœur ou coup de gueule de la semaine ? Alors cette fois-ci, c'est un coup de gueule. C'est la fermeture annoncée du studio Visceral Games, quand même responsable de Dead Space, par Electronic Arts. Visceral Games menait le prochain projet de jeu Star Wars pour EA. Et donc, EA a annoncé que il y avait un changement qui allait faire pivoter le concept. En gros, le jeu qui était prévu à la base, c'était un jeu narratif à la Uncharted, d'après les développeurs. EA a voulu faire pivoter le concept selon Patrick Söderlund sur un truc qui serait plus rentable en fait, sur un truc moins linéaire, un truc voilà. On pense à Star Wars Battlefront, il compte beaucoup dessus, surtout avec le 2 pour engranger des pépettes. Et donc Patrick surtout Söderlund, avec la sortie de Star Wars qui arrive. Ouais, il y a le nouveau trailer Star Wars qui arrive, donc il s'agit de pas rater le coche. Et donc le directeur d'EA, je le cite, il est devenu clair que pour offrir une expérience vers laquelle les joueurs pourront revenir et profiter pendant longtemps. Il l'a pas dit comme ça, mais moi je le dis comme ça. Nous avions besoin de faire pivoter le concept. Nous allons transformer le jeu pour en faire une expérience plus vaste qui offrira davantage de variété et une aventure plus profonde, c'est-à-dire plus longue où on va pouvoir vendre du pack et plein de choses comme ça, plutôt qu'un jeu narratif. Et moi je suis dégoûté parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas une histoire qui va enrichir l'univers Star Wars en jeu vidéo, un truc voilà avec un scénar bien, c'est super dommage. En sachant que maintenant Disney a racheté vraiment tout, c'est-à-dire qu'avant c'était pas comme ça, maintenant Disney a racheté toute la franchise Star Wars, y compris jouets, jeux vidéo, tout ça, et tout doit être canon dans l'univers Star Wars. C'est eux qui gèrent tout. Donc ce sera totalement canon et ce sera sans doute même peut-être un espèce de 0,5 sur le Star Wars 7 ou le Star Wars 8 ou quelque chose, mais ce sera quelque chose qui sera en lien avec forcément un des Star Wars, puisque Disney a la main sur tout maintenant, donc on peut plus faire de conneries avec. Jérém, ton coup de cœur. Oui, tout à fait. C'est un jeu vraiment, j'en ai entendu parler par un pote, donc il y a 10 jours maintenant, il est sorti le 4 octobre. Ça s'appelle Battle Chaser Night War. Et c'est, alors pour les gens qui ne connaissent pas du tout, je crois même que c'est le 2 d'ailleurs. Et en fait, c'est un RPG à la Final Fantasy dans l'absolu. Donc, des fois, vous baladez sur la carte. Vous avez pas justement ce mode de combat intempestif où vous baladez, vous faites 3 pas, vous avez un combat et ensuite vous en ferez 50 et vous aurez rien. C'est vous tombez, vous décidez de quand vous lancez des combats. Et ce qui est vraiment génial, c'est que tous les dessins sont faits déjà par un studio français. Par des dessinateurs français, que toutes les scènes animées sont des scènes dessinées par des dessinateurs français. C'est des images saccadées un petit peu dans l'absolu à la 300, un petit peu comme ça rend niveau ralenti. C'est vraiment magnifique et il y a un scénar qui est vraiment pas dégueu. Alors après ça reste du gentil contre les méchants, mais c'est assez simpliste, mais c'est vraiment joli. Et surtout, c'est du dessin de BD en fait. Et ça rend vraiment les personnages parlent avec des bulles au-dessus d'eux. Et les décors sont ouf. C'est vraiment génial. Et un jeu qui s'appelait 13 à l'époque qui faisait ça. C'est un peu le style. Sur GameCube. Ouais. Est-ce que je peux finir? Pardon. Oui, parce que déjà on est à la bourre là. Voilà. Et du coup, c'est surtout moi ce qui m'intéresse dans les jeux, c'est que il y a au moins 50 heures de jeu. J'ai mis 50 heures à peu près pour finir la version normale. Et ensuite, vous avez un New Game Plus derrière. Donc moi je suis un tryharder, donc j'ai continué. Et vous avez du farming pour les gens qui aiment passer du temps sur un jeu, et il vaut à l'heure actuelle sur Steam et tout ça, il vaut en gros 22 euros, un truc comme ça, alors que c'est un jeu qui est sorti il y a 2 semaines. Et c'est vraiment vraiment génial. Si vous aimez les RPG, c'est vraiment parfait. Ok, merci pour ce coup de cœur, cette découverte. Ça va être un peu plus chiant, on va parler d'Ubi. C'est un coup de cœur. Après avoir tenu tête à Vivendi, je vous en parlais il y a 3 semaines là, sur lors du CA de la dernière chance pour ne pas se faire racheter, enfin pas prendre départ par Ubi. Ubi prouve de nouveau que c'est l'une des plus grosses entreprises de jeux vidéo et c'est français. Donc cocorico, parce que ça crée des emplois en France, et moi je suis content parce que toute la presse locale en a parlé il y a quelques jours. Il y a un nouveau studio qui a été ouvert à Ubi à Bordeaux. Et c'est la première création d'un studio depuis 21 ans en France, puisque les derniers studios créés par Ubi, ouverts par Ubi, c'était à Annecy en 96. Et entre-temps, bon, ils ont racheté plein de boîtes, ça a été renommé à chaque fois en Ubi Düsseldorf, Ubi Osaka, Ubi Bourg-la-Reine, enfin, il y a plein de petits studios qui ont référence à Super Mario Odyssey, voilà. Et donc du coup, voilà, après Annecy en 96, Bordeaux cette année, ça fait 37 premiers salariés, il y en a 200 qui sont prévus à terme, il y en aura 70 en mars prochain, et l'objectif c'est d'en faire un studio AAA qui pourra produire des blockbusters, et notamment ils vont récupérer la franchise Ghost Recon. Et donc voilà, ça va être le troisième gros studio après le fameux Ubi Montpellier de Michel Ancel, qui est le plus ancien, enfin le plus connu avec les grosses productions. C'est là où on a créé Rayman, etc. Il a fait les Bretzel aussi, non? Non, c'est pas lui. et puis Ubi Montreuil, qui était à Paris et qui était aussi le plus connu. Donc voilà, on est super content parce que ça fait de l'emploi en France, et ça c'est bien, monsieur, hein, parce que au bout d'un moment, bon, je vais m'arrêter là. Tu as changé, Jonathan. Oui, voilà. On se retrouve donc tout de suite après ce disque Havana de Camila Cabello, et on parlera évidemment jeux vidéo oldies. À tout de suite. Hey. but my heart is in Havana, oh na na. He took me back to East Atlanta, na na na. Oh, but my heart is in Havana. There's something about his manners, Havana, oh na. Traffic jam, yeah. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy. Take it on me, ayy. Shawty craving on me, get the beating on me, on me. She waited on me, yeah. Shawty caking on me, got the bacon on me. This is history in the making, homie. On me. Point blank, close range, that beat. If it goes a million, that's me. It's me. I was getting moolah, baby. Hey. C'est Havana de Camila Cabello et il y a Ben qui est en train de twerker dans le studio. C'était une nouveauté sur Belle Radio et on va vous parler aussi d'une nouveauté, c'est le test de la semaine du coup. Et c'est une exclue puisque le jeu n'est jamais sorti dans le monde, jamais. Et nous, on l'a ici dans les studios de Belle Radio. Et c'est 22 ans plus tard qu'on peut y jouer, c'est Star Fox 2. Et c'est Ben qui va nous en parler. Oui, alors l'honnêteté pousse à dire que le jeu était quand même dispo en ROM. Ah non, non, ah en fait non, non, on me dit que non. C'est voilà. Tu es le seul et exclusif du monde. Voilà c'est donc ça. Il est sorti là sur la Super Mini NES. Et on écoute Star Fox en fond sonore. Ouais, voilà le thème de Star Fox. Assez entraînant quoi. Donc le jeu, comme tu disais, Jonathan, en intro de l'émission, il devait sortir en 95. Enfin, il était fini de développer en 95. Et on a Shigeru Miyamoto qui était chargé il était producteur du jeu. Du premier volet et donc de Star Fox 2 qui nous a expliqué que en fait le hardware de la Super NES il n'était pas adapté voilà à ce qu'il voulait faire avec Star Fox 2. En plus on avait les next gen qui allaient sortir à l'époque, les 32 bits, il aurait fallu ajouter une puce, je sais pas quoi, à la console, donc le prix aurait augmenté. La N64 arrivait et on a eu Star Fox 64 en 97. Voilà, donc Star Fox 2 il était en version bêta et là on l'a en cadeau avec les 21 jeux de la mini Super NES, hein, qu'on peut donc brancher sur sa télé et tout, qui est sorti récemment. Tout le monde connaît le concept. Ouais. On finit le premier niveau de Star Fox 1, qui est aussi dispo, et on débloque le jeu. On peut parler du scénario, parce qu'il n'y en a pas. Andros, qu'on croyait réduit en compote à la fin du premier épisode, revient pour se venger avec sa flotte. On a le choix entre 6 membres de Starwing, on n'en avait que 4 hein, dans le premier opus. Il y avait Fox et l'aigle là, je sais plus son nom, Falco, après il y avait grenouille. La grenouille et un autre truc. Et une vache. un cochon d'Inde, je crois. Et donc là, on a aussi une petite chienne avec un petit flot dans les cheveux, alors, c'est magnifique. On reparle de Mario Odyssey. Une petite renarde aussi, pour ajouter le côté féminin. Donc on peut pas jouer avec les deux, on choisit le pilote principal et le wingman. Ils sont pas jouables en même temps, c'est comme avoir deux vies un petit peu quoi. Et on peut parler quand même du concept qui change pas mal de trucs, qui est assez sympa. Dans le premier opus, on avait le choix entre trois routes pour atteindre Venom, la planète du méchant. qui était différente avec différents niveaux de difficulté. Là, le contexte, c'est une attaque du système solaire de Lylat par Andros. Et donc, c'est un peu en temps réel. C'est-à-dire que le méchant, il envoie ses différentes menaces. Il y a des missiles planétaires, il y a des vaisseaux de combat géants. C'est Kim Jong-un, en fait. C'est ça. Et donc, nous, on est à Corneria, la planète principale, quoi. Et on doit choisir quelle menace contrer. C'est-à-dire qu'on se déplace sur une petite carte et les menaces se déplacent en même temps. Donc, il y a un petit côté stratégique où il faut choisir quelle menace contrer, sachant que Corneria a une barre de vie limitée, quand même, et qu'on peut pas tout arrêter, quoi. On peut prendre juste quelques missiles nucléaires, quoi. Voilà, ça va. Il y aura des gens qui seront irradiés pendant des millions d'années, des familles détruites, mais un ratio de pertes. C'est ça, acceptable, de dommages collatéraux. Et il y a aussi deux planètes qui peuvent être envahies par Andros et qui font ensuite délivrer. Le méchant, il peut aussi nous envoyer des dragons mirages. Ça, c'est un peu le nouveau truc. C'est un comme une espèce de serpent, c'est un dragon, quoi, en fait. C'est ça. Et quand on le croise dans l'espace, c'est un peu le truc badass qui dure à tuer, quoi. Et il y a aussi une unité qui est un peu l'équivalent de Star Fox. Star Fox, c'est le nom de l'unité, en fait, des gentils. Qui s'appelle Star Wolf, avec il y a un crapaud dégueulasse, il y a un espèce d'ours, et un cochon, et donc Star Wolf c'est le plus balèze. On peut les croiser un peu de manière aléatoire et ça déclenche un duel. Voilà, donc ce petit concept est assez sympa. Bon, c'est pas Age of Empires non plus, mais il y a un petit côté gestion. Niveau, ça a l'air pas mal en tout cas. Ouais, c'est vraiment sympa. Après le reste, je suis moins enthousiaste sur le reste parce que bon, le gameplay. Ils ont quand même fait un effort assez considérable niveau technique parce qu'on n'est plus sur des rails, en fait. La plupart des combats, c'est dans l'espace. Donc, c'est en vue cockpit. D'ailleurs, c'est un peu chiant, la vue cockpit. On en est une cible, en gros, et on doit tirer sur les vaisseaux. Mais on peut se déplacer, voilà, en trois dimensions, à 360 degrés dans l'espace. C'est un peu confus. Ça rend les choses. C'est l'open world dans l'espace. Ouais, c'est ça. C'est un open world. C'est transformé en open world. C'est hyper limité, en fait, parce que ouais. Monter dans l'espace. Ouais. Il n'y a pas un décor de ouf avec des planètes et tout. C'est juste un jeu à la base. Donc. Ouais, c'est un jeu, faut pas s'emballer non plus. Et t'as deux niveaux seulement où t'es en atmosphère, sur les planètes à libérer. Et du coup, il n'y a que là que tu vois ton vaisseau de derrière. Et tout le côté acrobatie, pilotage qu'il y avait dans le premier qui était cool, là, il n'y a plus. Donc ça, c'est vraiment dommage. Ouais, c'est dommage. C'est plus un jeu de tir, quoi. On peut faire the barrel roll. Tu peux faire des loopings, des tonneaux comme ça pour éviter. Tonneaux. Mais comme c'est dans ton cockpit, c'est juste ton viseur qui tourne, en fait. Okay. Non, c'est ton viseur qui tourne. Ah oui, ok, on voit rien. Non, il ne se passe rien. Et c'est assez facile. En plus, libérer les planètes à la surface, ça prend 30 secondes. Il n'y a pas de... tu fais pas des trucs de folie avec ton vaisseau et tout. Ça, c'est frustrant. Mais après, techniquement, bon, t'as toujours ton esthétique en polygone, Star Fox. C'est un peu plus fin que dans le 1. T'as des sprites qui sont texturés. Il y a des gros sprites et du coup, ça rame un peu quand même. mais voilà, ça reste assez bien foutu. Non, ça émule les lacunes de la console de l'époque. Bah, c'est difficile en plus de juger un jeu comme ça qui est censé être sorti en 95. Il faut être quand même, voilà, comme tu disais, c'est la Super NES, c'est la Super FX 2, donc ça reste, elle est à fond, la Super FX 2. La musique, donc on l'entend, elle est assez entraînante, quoi. Les bruitages sont un peu répétitifs, mais ils sont bien reconnaissables. Et puis tu peux savoir, voilà, quand t'es touché ou quand tu touches une cible, tu l'entends bien. Voilà, ça c'est quand même bien. On dirait une musique d'un match genre de Olivier Tom, un truc ouais, comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est ça. Un peu japonisant, un peu épique japonisant. Quoi d'autre? Ben, la difficulté, comme je dis, c'est donc il est assez facile. Franchement, tu le finis en. Bon, il y a différents niveaux de difficulté. Moi, je l'ai fait en normal, mais en moins d'une heure, tu peux le finir si tu fais pas le con. Parce que t'as tes deux. Ouais, c'est hyper court. Et ouais, c'est pas mal quand même. Du coup, on se demande. Je me rends pas compte. Pour un jeu bonus. Ouais, c'est pour un jeu bonus que finalement tu vas pas payer très cher vu que la Super NES et la Mini Super NES elle a 80€. T'as 21 jeux. Ouais, ça te fait une aventure en plus, ça fait un complément, quoi. Tu peux faire un peu le foufou parce que en plus tu peux revenir sur cette map, en fait, où il y a l'attaque du système de Lylat. T'as ton vaisseau mère qui est à Corneria à la base et tu peux choisir de le rejoindre pour régénérer tes boucliers et te téléporter à deux endroits dans le système seulement. Mais c'est toi qui dois aller au vaisseau. Le vaisseau peut pas venir à toi. Donc ça, voilà, petit côté stratégique en plus aussi. Et si tu gères bien et que t'arrives à régénérer tes boucliers, genre une fois pendant ta session, tu vas finir le jeu assez facilement. Il n'y a que les dragons et les mecs de Star Wolf qui sont un peu chauds à tuer. Sinon, ça peut durer 20 secondes. Tu vas croiser un missile planétaire avec une escorte, tu vas tirer 3 fois, tu vas les niquer et ce sera fini, quoi. Donc, Star Fox 2, ça aurait fait quand même une bonne suite à l'époque, mais je me demande ce que ça aurait donné s'il avait fallu payer 300 francs, c'est là, je crois, le prix des cartouches, pour avoir ça. On se demande si ils l'ont vraiment fini. Ouais, ou est-ce qu'ils l'ont pas fini là, pour la sortie et pour proposer du bonus, quoi. Voilà, c'est du bonus. Ils disaient, ah, le jeu, on l'a fini, vous avez le jeu. À mon avis, s'ils avaient dû le sortir dans le commerce, ils l'auraient un peu boosté, quoi. Une heure, c'est pas possible. Enfin, ça me paraît quand même vraiment rien. Une heure de jeu, quoi. Je crois pas que Star Fox 1... Ouais. Star Fox 1, tu pouvais le finir en une heure, mais t'avais 3 voies possibles, 3 chemins possibles, donc ça multiplie un peu par 3 durée de vie. Voilà. Ok, conseillé quand même. Est-ce qu'il faut acheter la SNES Mini pour jouer à ce jeu? Non. Ok. Mais c'est cool d'avoir ça, voilà. Ok. Il y a quand même un petit effort qui a été fait. BLE Radio. BLE. Votre radio de proximité. Allez, on le rappelle, on vous fait gagner South Park, l'anal du destin. Vous êtes déjà nombreux à participer sur les deux pages gametrip.net sur Facebook et BL Radio officiel. Vous pouvez continuer jusqu'à la fin de l'émission à liker, partager le dernier post où on vous fait gagner ce jeu. South Park, l'anal du destin, donc sur PS4. N'hésitez pas et n'oubliez pas de liker la page également, parce que si vous likez et partagez ce post et que vous n'avez pas liké la page, je ne peux pas vous recontacter par MP et du coup je peux pas vous faire gagner le jeu, donc ce serait dommage. Chaque semaine à cette heure, à cette même heure, à midi, on va parler des aventures et péripéties imaginaires, mais pas forcément imaginaires. Mais non, c'est la vraie. Non, moi j'ai envie de dire que c'est imaginaire. D'accord. Et c'est bien évidemment l'histoire au coin du feu de Tonton Ben. L'histoire au coin du feu. Ah bah non, merde, au coin du feu. Ah si. Quoi? Mais ces oiseaux sont ils sont forts. Oiseaux de Star Fox 2. Non, c'est les oiseaux de Day of the Tentacle. Ok. Et la musique de Day of the Tentacle. Ok. Alors, au lieu de dire des bêtises, qu'est-ce qui t'est passé? Alors, je vais vous raconter la mort de Poutine aujourd'hui. Poutine, c'est mon chien. Il aurait fait une petite musique un peu triste comme ça, parce que ça va être assez triste comme histoire. Donc Poutine, fallait prévenir. Voilà, Poutine, c'est mon chien. Enfin, c'était mon chien dans Fallout 3, que tout le monde connaît, développé par Bethesda et sorti en 2008. Alors, il doit son petit nom à son flegme légendaire associé à son talent pour assassiner les opposants. J'ai vécu sa disparition comme un drame personnel. On rôdait tous deux du côté de Washington DC, où c'est pourri de super mutants. Le plus sécurisant, c'était de passer par les tunnels désaffectés du métro. Mais il faut bien mettre le museau dehors à un moment ou à un autre, surtout qu'à force de bouffer de la chair de pillard toxicomane, mon Poutine commençait à avoir le fond de l'œil un brin laiteux. Donc on choisit stratégiquement une station, et on sort à l'air libre pour tomber directement sur une bande de super mutants en train de jouer au Pog au milieu des ruines. On se fait tout de suite coincer contre les portes de la station, en bas des marches, la position bien craignos, et là mon bon Poutine se fait latter la gueule, j'ai beau lui injecter Steampack sur Steampack, il prend plus de tarte que je ne saurais lui administrer de soins et il ressemble vite à un hérisson avec toutes ses seringues plantées sur la couenne. Je décide donc d'entrer dans la station histoire d'avoir un peu plus d'espace au cas où les gros malandrins nous suivraient. Mais une fois à l'intérieur, pas de trace de mon Poutine. Il n'a pas pu ouvrir la porte car il n'a pas de pouce. C'est un chien. Il est comme la guigne, le chat de Robert De Niro dans Mon beau-père et moi, qui ne peut pas tirer la chasse. Sauf que c'est un chien. Référence. Et que je ne suis pas Robert De Niro. Sauf peut-être quand j'ai trop bu. C'est ainsi qu'eut lieu la triste fin du chien Poutine à une époque où les casus ne dictaient pas encore leurs lois et où les compagnons n'étaient pas immortels dans la série Fallout. Une époque où on dénombre moult joueurs traumatisés par la perte de ce compagnon à deux ou à quatre pattes, réduits dès lors à parler et à rire tout seul devant leur écran ou à jeter des balles sans qu'aucun fidèle canidé ne vienne la leur ramener. J'espère que les gens ont compris un peu ce que je suis en train de raconter. Moi, je suis triste parce que j'ai perdu aussi. Toi aussi, t'as perdu ton chien dans Skyrim, j'ai perdu ma Lydia. Voilà. Ah, mais c'est une bonne femme, c'est pas grave. Ok. Je te parle d'un compagnon fidèle. Oui, pardon. Un chien, quoi. C'est vrai. Et après, c'est moi. Hashtag pas comparable. Hashtag moi aussi. Cette émission est voilà sponsorisée par les studios d'Harvey Weinstein. Mais alors, pour retirer. Pour continuer sur ce truc, parce que ça m'a vraiment... Tu perds ton compagnon dans Fallout, il ne ressuscite pas comme maintenant. Il est mort, à jamais. Et il a été accompagné, c'est con, mais et voilà, moi ça m'a fait de la peine. Mais on peut faire confiance à Bethesda pour jouer avec nos nerfs et nos émotions. Parce que grâce à leur talent incontesté pour les bugs, dans Fallout 4, même où tout mourir, cette régulation des bestioles, autant laisser tranquillement dans sa niche, avec sa petite gamelle en plastique récupérée dans les ruines d'un hôpital. Avec, on lui avait noué autour du cou un petit bandana trouvé autour de la tête d'un enfant mort, affreusement défiguré par les radiations. Mais vraiment, ces développeurs sont des sadiques. Mmh. On ne le dira jamais assez, de toute façon, Bethesda. C'est que des jeux de sadiques en général. Voilà, et mais arrêtez de nous enlever nos chiens, quoi. Moi, mmh, nos bonnes femmes, nous ça va. Ça. Voilà, bon, après, il y en a d'autres, mais un chien, c'est... Ouais. Pas déconner, non. Bref. Chaque semaine, à la même heure, vous le savez aussi, après cette chronique, on vous fait découvrir dans la programmation musicale une bonne chanson qui rappelle des souvenirs de jeux vidéo oldies. Il y en a une qui vous rappelle tous forcément quelque chose. Ça ne s'appelle pas Wouhou, hein, comme tout le monde dit à chaque fois. Ça s'appelle Song 2 de Blur. Ah, c'était FIFA. Dans FIFA. FIFA, le 98. 98 98. Woo-hoo! Woo-hoo! Woo-hoo! I got my head checked by a jumbo check. It wasn't easy, but nothing it is. It's not my problem. Woo-hoo! When I feel heavy metal, ooh, and I feel that I need a woo. When I'm lying, I'm lazy all of the time, but I'll never show why I need you. Vous écoutez BLE Radio partout en Lorraine sur bleradio.fr. Mais vous avez bien raison de le faire parce que vous êtes sur Game Trip FM, l'émission sur les jeux vidéo. Et on va évidemment maintenant parler, Game Trip oblige, de jeux vidéo oldies avec notre petite partie sur les jeux oldies. Et on va commencer avec Outcast Second Contact qui sera présenté à la Paris Game Week. Ce sera du 1er au 5 novembre, le Paris Game Week. Et l'éditeur français, donc Big Ben, il sera présent avec plusieurs stands, enfin avec un stand avec plusieurs jeux, avec des périphériques gaming, tout ça. Et ce qui nous intéresse, c'est Outcast Second Contact, donc très attendu remake du jeu d'Apple qui était sorti en 1999. C'est un super bon jeu. Et donc ça, c'est un remake qu'on devrait voir du 1er au 5 novembre. Si vous connaissez pas le jeu, évidemment, rendez-vous sur GameTrip.net pour lire pas mal d'infos qu'on a déjà publiées dessus sur ce remake. Il y a même une vidéo, d'ailleurs. Ça permettra de découvrir ce super jeu. Une autre petite news oldies sur Michel Ancel. On en parlait tout à l'heure, l'ancien... Michel Ancel, l'ancien, créateur de Rayman et des biscuits apéritifs, directeur créatif du studio Montpellier d'Ubisoft, une des plus grosses têtes de jeux vidéo de ces dernières années en France. Et sur Instagram, il a foutu un bordel pas possible. Il a déchaîné un raz-de-marée parce que... Ah, oh, c'est sacré Michel. Parce que Michel, il a envoyé un petit photo avec un message à côté. Nous devons le faire revenir une fois de plus pour une quatrième aventure. Ne laissons pas mourir les héros. C'est ce qu'il met à propos de Rayman. Rayman, donc, il devrait avoir un quatrième opus. Un jeu qui devrait débarquer après les grosses nouveautés Ubisoft en cours. Il y en a beaucoup, hein, pour l'instant, des nouveautés en cours. Notamment la suite de Beyond Good and Evil qui était attendue depuis au moins 15 ans et qui vont enfin sortir. Donc du coup, on ne devrait pas compter avant 3-4 ans, je pense, avant de voir ce nouveau Rayman. C'est une bonne nouvelle, mais ça nous fait au passage découvrir que les deux très bons derniers jeux Rayman en 2D, alors c'était Rayman Legend et je n'ai plus souvenir du nom du deuxième, mais les deux derniers Rayman donc ne font pas partie officiellement du décompte. C'est dommage parce que c'était les deux meilleurs. Enfin, le Rayman 1 était très bien, mais les deux derniers là en 2D, ah, ils étaient très bons. Parce qu'il y a eu Rayman 1, Rayman 2, Rayman 3, et il y a eu Rayman Légende, Origin et Légende. Voilà, et les deux là, ils sont à part dans la. Oui, voilà, mais c'est dommage parce que je pense que c'est. L'Origin était vraiment cool. Voilà, et le Légende était très très bon. Ouais, j'aime bien. Et c'est dommage du coup parce qu'ils considèrent vraiment que ça fait pas partie de la licence puisqu'ils annoncent donc le Rayman 4. Donc là, ça l'Origin, c'est genre le 0 comme dans les séries. Ouais, on peut dire ça, c'est un prequel. Voilà. Et par contre, le Legend n'était pas oui, de c'est le haut, c'est le 0,5. C'est le 1,5. Voilà, une petite dernière news aussi. Tout le monde en a parlé cette semaine. C'est la Game Boy Classic qui devrait débarquer en 2018. Alors, on l'a déjà dit lors de la dernière émission, mais ça devient un peu nimbe. Tous les éditeurs, oui, ils ressortent toutes les consoles. Voilà, il y en a un qui l'a fait. Donc, il y a eu la NES classique, il y a eu le retour de la Commodore 64. On l'a annoncé la dernière fois. L'Atari 7800 avec l'Atari Box. Donc, ce sera un genre. Je veux une Saturn, s'il vous plaît. Ouais, moi j'aimerais bien une Dreamcast. Non, je déconne. Ah non. mais là, du coup, voilà, tout le monde fait le coup et avec la Game Boy. Alors. Qui est largement moins vieille quand même que la NES, la Game Boy, il me semble, quand même. Ouais. Et en sachant que les versions classiques reboot là, qu'on a de ces dernières consoles, en général, c'est des versions mini. Alors, je vois pas comment on va encore plus miniaturiser la Game Boy, à part sortir une Game Boy Micro, qui est déjà sortie. Si. Sur téléphone. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a une Game Boy... Il y a eu une Game Boy Light, Micro, ouais. Il y a une Game Boy Light, enfin, il y a eu tout... Qui tenait vraiment dans la poche. Voilà, ils ont fait tout, une pocket. Comme la... Bah ouais. Parce ils ont fait déjà tous les styles de Game Boy en mini, donc pourquoi ressortir une classique, si ce n'est... D'ailleurs, il y a eu les photos... Il y a eu les photos sur internet, ça ressemble à une Game Boy. C'est ouais, exactement c'est une Game le Boy. Trip, enfin. Voilà, c'est juste pour avoir une nouvelle Game Boy en sachant tu que tu peux en trouver. Tu auras le même design, tu auras le vieux design de la Game Boy. Oui, exactement la même. Et puis tu auras sûrement une puce dedans avec 20 c'est jeux, ça. Quoi. C'est plus tout. Alors il y aura ça, sans fait. Doute pas d'HDMI dessus, hein, comme sur toutes les autres consoles. Peut-être que l'écran, ils vont. À la un limite, peu le... ouais, oui. Très bien. Ouais. Un écran AMOLED comme sur les téléphones portables, ça pourrait être un petit peu mieux que le truc où dès que t'étais en voiture à l'arrière et qu'il faisait nuit. Et où du soleil, tu voyais plus rien. Donc. Si elle était un peu vieille, il y a de la poussière qui était rentrée dans l'écran, tu vois que dalle. Voilà. Moi, ce que j'attends, bah, c'est l'autre rumeur qu'on a entendue, c'est la N64 classique. Là, ouais, pouvoir rejouer à GoldenEye sur une console HD, pourquoi pas. Ça, c'est plus sûr que la Game, oui. Boy, la Game Boy Mini classique, moi, c'est sûr. La Game Boy classique Mini, ouais, c'est quasi sûr. D'accord. Il y a eu des schémas qui sont sortis sur Internet, des officiels patentes, c'est qui ont été déposés. Donc voilà, ça devrait être... La N64, c'est plus compliqué, en sachant que moi, par exemple, la N64, mes potes l'ont encore. Et du coup, si je veux jouer à GoldenEye sur la N64, j'y joue sur la console. Mais ça pique un peu les yeux, ça faut bien l'avouer quand même. Donc voilà. On va parler bientôt, on va passer bientôt au débat sur notre oui. Débat de la semaine qui est sur la difficulté dans les jeux vidéo évidemment. Et en attendant et juste avant ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Bonne question. On va se battre avec Ben, c'est ça ? On va se battre. Vous allez vous battre. C'est celui qui gagne, tous les deux. Qui gagne le débat. Voilà, exactement ça. Celui qui gagne ce petit quiz de 3 questions aura la main. Vous aurez la main, comme dans le service. Vous aurez le service. Alors ça va être un quiz justement sur la difficulté dans les jeux vidéo. Je vous ai concocté 3 petites questions très simples. C'est du quoi ? C'est du oui ou non ? Ou du vrai ou faux ? Non, bah, tu vas voir. Première question, il vient de tourner son micro pour qu'il ne puisse pas participer. Alors première question, là j'avoue Jérém va peut-être être avantagé sur cette question. Dans Diablo, vous pouvez changer votre niveau de difficulté en jeu, hein, via le menu. Vous pouvez passer de normal à difficile, à expert, à calvaire. Donc ça c'est le niveau le plus extrême on va dire de base. Et si vous mettez sur calvaire, vous obtenez une contrepartie 200% d'or en plus que quand vous ramassez de l'or, 200% d'XP en plus quand vous gagnez de l'XP, et combien de points de vie en plus le plus proche gagne ? Combien de pourcents de points de vie en plus ? Pourcentage ? Ouais. 30% ? 30% ? Dans Diablo 1 c'est du coup ? Ouais. Ah oui alors Diablo 1 c'est trop vieux. Hein ? 40 même. 512%. Et bim! Ah, bim! C'est moi! Un point, alors que vous êtes tous les deux mauvais. 512%. Un point pour Jérém. En sachant que le mode de difficulté extrême, hein, c'est Tourment. Le mode de Tourment à 13 niveaux de difficulté. Ouais, mais ça, c'est dans Diablo 3 pour le coup. Ouais. Ouais, d'accord, oui. Et à 13, non, oui. Et à 13 niveaux de difficulté, et au 13e niveau de difficulté, vous avez 2 108 607% de PV en plus, et vous faites 28 832% de dégâts en plus. Ouais. Pas mal. C'est... Voilà, c'est... Après, le tourment 13, quoi, c'est la normale après qu'on a du stuff, mais ouais. Oui. Ouais. Mais c'est un petit peu abusé. Quoi. Faut voir bah, si c'est beaucoup plus dur. Si tu prends ouais. 3 tartes et que t'es mort, tu vas avoir 2 millions de pourcents. Oui, voilà. Oui, la vie, elle fait un peu yo-yo. Ça dépend le potentiel de dégâts des ennemis. Donc, un point pour Jérém. Deuxième question. Dans FIFA 18, il y a 6 niveaux de difficulté. C'est comme ça depuis il y a à peu près 3-4 ans. Il y en a 6 maintenant. Il y a débutant, il y a amateur, il y a semi-pro, il y a professionnel, Il y a International qui s'appelait Champion avant. Et le dernier niveau, comment s'appelle-t-il ? Légende. Bah voilà. Ah c'est, oui, ça c'est ça, d'accord, ok. Ah, ouais. Ah bah je, ah, non, tu voulais dire quelque chose d'autre ? Non, je voulais dire Légende aussi, en fait. Je voulais dire Légende. Allez, un point chacun. Ouais. Un point chacun. Faut pas que tu gagnes. C'est l'école des fans. Allez, troisième et dernière question. Dans Skyrim, comment abaisser naturellement le niveau de difficulté ? C'est une combine qui est un peu connue, qui doit marcher dans beaucoup d'RPG. Ah, mourant plusieurs fois. J'ai énormément joué à Skyrim. Toi, tu dis en mourant plusieurs fois. Abaisser le niveau de difficulté, ouais. C'est pas con ce que tu sais, Jérémy. Je veux dire, pareil, est-ce qu'on peut avoir le point pas vraiment, de... pas vraiment abaisser le niveau de difficulté, mais si quand même. C'est-à-dire ne pas avoir tout de suite ne pas avoir de monstres compliqués, même quand tu es déjà level 90, voilà. Et que tu continues à jouer. C'est sur l'équipement, faut s'équiper comme un. Non. Comme un cochon d'Inde, non, c'est pas ça. Alors là. Ça va durer 5 minutes. Alors, je vais vous répondre. De toute façon, c'est Jérémy qui a gagné, puisqu'il y a 2 points à 1. C'est ça. En fait, dans Skyrim, la combine, ça doit exister en plusieurs autres jeux de rôle. En fait, c'est d'aller dans les quêtes, de lancer les quêtes dès le début du jeu. Vous allez ouvrir toutes les portes, vous allez parler à tous les gens pour lancer toutes les quêtes, et les quêtes restent au level où vous étiez. Ah, ça s'adapte au moment où tu l'as pris, en fait. D'accord. Donc du coup, si tu commences une quête après que tu te balades et que tu pars ailleurs, et que tu stuff à mort et que tu reviens au niveau 50, les PNJ qui sont dedans que tu vas affronter, c'est des PNJ de ton niveau 1 quand t'es venu à la base. Et pour ça le coup, tu gagnes pas d'XP alors. Ah, tu gagnes le stuff au niveau qui va. À mon avis, j'ai jamais testé, mais à mon avis, c'est lié à ton niveau. C'est lié à ton niveau de base. Donc c'est pour ça qu'on dit parfois, même dans Borderlands, on dit que si c'est trop chaud pour vous, revenez plus tard quand vous aurez. Là, pour le coup, quand t'as plus d'XP. Mais du coup, l'IA dans Skyrim s'adapte aussi à ton. Donc si tu reviens plus tard, finalement, ce sera aussi plus difficile. Un peu comme dans Diablo avec les pourcentages. Ouais. Moi, j'aimais bien mon idée de départ. Mais parce qu'il y a un jeu qui fait ça où quand tu crèves. Tu crèves genre 3-4 fois. Et effectivement, ça te propose, en fait. C'est pas dans les genres, les Devil May Cry, un truc comme ça. Ouais. Ben, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure après la pause, justement sur cette difficulté dans les jeux vidéo. Il y a plein de petites combines comme ça des fois, et on va parler de tout ça. Est-ce que vous aussi vous avez des jeux qui sont hyper compliqués ? Est-ce que vous avez joué à Cuphead, qui est le jeu le plus compliqué de ces dernières années ? N'hésitez pas à nous laisser des messages sur la page Facebook GameTrip.net sur Tu bafouilles. Oui, et sur la page BLE Radio officielle également, hashtag BLE Radio sur Twitter pour nous contacter. Message privé également, et n'oubliez pas, on vous fait gagner South Park, l'anal du destin sur PS4. Il est sorti mercredi, on vous l'offre déjà. Il suffit d'aller sur les pages Facebook et de liker et partager le dernier message qu'on vous a envoyé. Et on se retrouve tout de suite après. En attendant, on écoute Eagle of Death Metal, Miss Alicia. C'est sur BLE Radio. Et on se retrouve tout de suite après pour le débat. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh écoutez BLE Radio partout en Lorraine sur bleradio.fr. Et de BLE retour... Radio. Oula. Rock and roll. De retour sur GTFM avec du bon vieux rock, Eagle of Death Metal. Et notre débat cette semaine, on vous en a parlé, ce sera sur la difficulté dans les jeux vidéo. Pourquoi on en parle cette semaine? Parce que Cuphead est sorti. Cuphead, 1 million d'exemplaires en 2 semaines. Tu le disais tout à l'heure, Ben, pour ce jeu qui semble vraiment bon art. Tu y as joué? Non. Non. Ok. voilà, c'est un univers un peu Steamboat Willie, un peu dessin animé des années 30. C'est il y a une super esthétique, mais du coup, il est dur, selon les premiers tests, selon tous ceux qui en ont parlé sur Internet. C'est le jeu le plus difficile qu'on ait joué ces dernières années. Un retour apparemment aux sources, on le dit, hein, puisque côté graphique et côté gameplay et côté difficulté. Ça ressemble quand même vachement à des vieux jeux vidéo. Du coup, vous n'y avez pas joué, tant pis. Mais est-ce que j'ai beaucoup regardé, moi. Voilà. Mais est-ce que pour vous, suscite le débat. Ça suscite le débat, en effet, parce que vous aviez très envie de vous affronter sur cette question. Mmh. Et du coup, est-ce que les jeux vidéo de maintenant sont beaucoup plus simples qu'à l'époque? Qu'est-ce que vous en pensez? On va essayer, Jérémy, commencer, puisqu'il a gagné le débat. Il a gagné le débat. Merci. Il a la main. Je te remercie. Non, déjà, pour revenir sur Cuphead, en fait, comme je disais, alors j'ai pas joué parce que c'est pas un style de jeu qui me plaît spécialement, mais je me suis un peu renseigné sur le truc et j'ai vu effectivement, ne serait-ce que des vidéos YouTube de, alors c'est des speedrunners, c'est les mecs, c'est leur job et tout ça, mais concrètement, le jeu se finissait en difficulté la plus dure, justement, en 33 minutes, en fait. Alors le mec effectivement par un super player complètement fou quoi. Ouais non voilà. Alors le mec voilà, c'est presque son taf, il fait ça toute la journée tout ça, mais dans l'absolu le potentiel de durée de vie du jeu est pas énormissime. C'est le même qu'un jeu normal quoi. Ouais voilà, alors si demain par exemple, le même speedrunner fait un run sur je sais pas, sur un RPG quel qu'il soit, ça sera au minimum quelques heures, on va dire. Donc pour un joueur lambda, ça sera encore exponentiel. Donc ok, c'est peut-être plus difficile parce que plus frustrant parce que tu crèves régulièrement et tout ça, et donc tiltant et tout ça. Mais malgré tout, c'est pas non plus, c'est pas insurmontable apparemment. Est-ce que, ouais, alors du coup, ça voudrait dire que juste le, c'est quoi, le grand public en c'est fait. C'est le niveau des joueurs qui a baissé en fait. Mais c'est ça, et c'est exactement là où je voulais en venir. si je peux me permettre. Ben. Tu n'es pas d'accord? Ouais, le niveau des joueurs a baissé. C'est-à-dire que je suis d'accord avec le fait que les jeux soient devenus plus simples, mais est-ce que c'est une mauvaise chose? Je suis pas sûr. Parce que moi, j'aime pas, j'ai jamais aimé les jeux très très durs, et je trouve que c'est pas nécessaire d'être dur pour être appréciable. Après, il y a des gens pour qui c'est un espèce de défi, justement, les joueurs vraiment qui sont à fond, quoi, qui veulent que ce soit dur, c'est un peu des masos, quoi. Moi, je suis pas comme ça. Et donc, il faut savoir aussi qu'à l'époque où on mourait 20 000 fois, c'était parce que les premiers jeux vidéo, c'est les jeux d'arcade, il fallait mettre des pièces dans la fente, et donc il valait mieux qu'il soit dur, le jeu, quoi. Qui me fait penser à cette anecdote dans Wayne's World où il rencontre un horrible mec qui produit des jeux vidéo et il fait et tous les gosses remettent des pièces dans la fente. Alors quand on n'a pas programmé de niveau 2, le boss du niveau 1 est imbattable. Voilà. Et puis il y a des jeux durs qui étaient durs parce qu'ils étaient mal conçus. Voilà. Comme tu parlais de Tintin au Tibet, des hitbox énormes, les Tortues Ninja aussi, où tu sautais, tu tapais le plafond et tu tombais dans un trou. Y avait les ralentissements, il y avait un gameplay qui était quand même très rigide. Donc tout ça faisait que c'était dur, mais c'était juste mal fait. Ouais, quoi. Mais est-ce qu'en fait, finalement, tu te dis pas, à l'heure actuelle, maintenant que t'as pris de l'âge et que tu as mûri, est-ce que tu te dis pas, malgré tout, en tant que vieux réac, mon dieu, il y a 20 ans, c'était mieux, en fait, comme pour plein de choses. Ah, bah non, justement, quoi. C'est ce que je dis, je dis pas que c'était mieux avant. Hein. Je dis pas que c'était mieux, c'était différent. Alors, on va vraiment mais après, moi, je suis vraiment d'accord sur le fait que Tintin au Tibet, par exemple, il faut pas oublier qu'à l'époque, il était pas difficile parce que les jeux, forcément, parce qu'il était complexe et intelligent. Voilà, c'est pas forcément une volonté des éditeurs, c'est juste qu'il y avait des manettes carrées, pas ergonomiques, les boutons qui grinçaient ou c'était compliqué à appuyer dessus, la latence aussi des processeurs, parce que c'était des processeurs qui étaient moins rapides, donc du coup, quand t'appuyais, c'était pas tout de suite aussi réactif que maintenant. Et puis, peut-être aussi, d'un certain point de vue, le cerveau humain était un peu moins alerte que maintenant. Maintenant, on a l'habitude de dégainer son téléphone quand ça bip, de chercher tout de suite sur Google un truc et d'avoir tout de suite les infos. Peut-être que le cerveau, il est un peu plus rapide sur La génération, sur la complexité. L'humain a évolué, la génération évolue et tout. Et les 2000, comme on les appelle, ils ont des réflexes que nous, on n'avait peut-être pas à l'époque et tout ça. Hein. Parce que maintenant, moi, quand j'y rejoue avec nos réflexes de maintenant à Tintin au Tibet, étonnamment, Tu arrives mieux ? Bah, c'est pas que j'arrive mieux, c'est que je me dis, ouais, à l'époque, c'était impossible à jouer. Mais à l'époque, t'avais 20 ans de moins et t'avais. Moi, je joue maintenant avec une manette Xbox sur mes consoles d'arcade. Voilà, donc du coup, la manette est différente. Ah, je pense que ça joue, toi, ouais. Ouais, mais quand t'es. Enfin, après, moi, je jouais énormément beaucoup plus quand j'étais jeune que maintenant. Et du coup, j'avais. Ah, je sais pas, c'est compliqué. Après, je suis d'accord sur le fait que pour moi, le niveau global des jeux a baissé. Comme tu dis, il y a peut-être une casualisation du jeu vidéo. C'est vrai, parce que comme Jérémy disait, c'est ce que tu évoques dans ce que tu dis, c'est qu'il faut faire du simple, parce qu'aujourd'hui, on vend. Oui, voilà, ça attire un plus grand public, on est bien d'accord. Donc si on fait trop division, on va frustrer les gens, etc. Et en même temps, quand on fait du compliqué, du coup, ça attire des gens, puisqu'on l'a dit, Cuphead, 1 million d'exemplaires en 2 semaines, peut-être aussi parce que. Trompé par le côté mignon du jeu. Ou peut-être aussi parce que des gens. Ils aiment la difficulté. Voilà, qui veulent du défi, qui en ont pas eu depuis longtemps. C'est ça. En fait, après, moi, je suis un joueur, effectivement, je joue pas à beaucoup de jeux. Mais quand je joue à quelque chose, quand je fais quelque chose en général, je suis quelqu'un d'extrême et je m'investis, on va dire. Mmh. Et dans un jeu, après moi j'ai beaucoup joué à des RPG, donc je suis fanboy Blizzard clairement. Donc voilà, WoW, j'y ai passé des milliers d'heures dans ma vie et tout ça. Et clairement c'était mieux avant, quoi qu'on en dise. Et GameTree.net. C'est comme ça. Non mais c'est vrai. www.GameTree.net. C'est vrai. Et du coup, le truc c'est que là, à l'heure actuelle. C'est les raids justement et tout est fait effectivement pour que le joueur arrive qu'il ait presque qu'il ait un starter pack en fait tout fait que limite son perso soit déjà enfin avant on en chiait clairement pour arriver au niveau maximum on passait des centaines d'heures presque à XP. Là maintenant on peut payer 20 balles et avoir un perso déjà niveau 100 et juste passer 5 heures à XP. C'est vrai, ouais. Et ça personnellement ça c'est pas que ça me rend dingue parce que j'ai connu cette époque et je suis heureux de l'avoir fait et d'avoir passé du temps. Mais que les gens se plaignent maintenant de la difficulté d'un jeu, j'ai envie de lui dire, mais mon gars, mais. À l'époque, c'était pire. Mais regarde avant et je sais pas si vous vous souvenez, en 2014 déjà, il y avait eu la même chose sur Dark Souls 2 qui était sorti. Oui, les Dark Souls sont super durs. Et le Dark Souls 2 était une plaie et tout le monde avait déjà râlé à l'époque parce que c'était compliqué, alors qu'on a un jeu compliqué tous les 10 ans. Mais c'est génial. Enfin, je sais pas, en plus, il y a tellement de jeux, quand tu les achètes, tu passes 5 heures dessus, le mode mono-joueur, il est torché et après, t'es obligé de jouer en multi, ce que t'as pas forcément envie de faire. Et un jeu où t'as, je sais pas, ne serait-ce que 20 heures, voire mieux 50 heures de jeu, c'est le minimum pour 60 balles d'achat. Enfin, ça me paraît juste normal. Quoi. Il faut que ce soit, si c'est difficile, il faut que ce soit bien fait, quoi. Et dans la même façon, il faut pas que ce soit facile dans le sens où il faut mettre des sous pour que ce soit facile et s'acheter des packs de XP. Ça, c'est un peu dégueulasse, mais bon, on n'est pas naïf non plus, c'est une industrie, quoi. Voilà, il faut que ce soit fin, quoi. C'est-à-dire que quand on joue à Fallout 4, par exemple, je ne parle que de ce jeu, mais moi je suis fan de Fallout, comme toi t'es fan de jeux bizarres, qu'on arrive dans le premier patelin. Au bout d'une demi-heure de jeu et qu'il y a une armure assistée avec une sulfateuse, mais là c'est l'abus complet, quoi. Je veux dire, là il faut, les gars, les immolos, essayer de faire des trucs. Genre, je me suis renseigné un peu, t'as des petits trucs que les développeurs mettent dans le jeu. Ah bah, par exemple, dans Uncharted, les plateformes elles s'écroulent moins vite. Si tu cours pas assez vite et que la plateforme est en train de s'écrouler, si t'es loin, ça va s'écrouler moins vite, que t'es quand même une chance d'arriver, quoi. Ouais, c'était sur Twitter, là, il y avait eu des devs qui avaient participé à ce que tu dis, là, sur les petites combines de jeux vidéo. Il y en a plusieurs qui avaient donné des combines, et il y avait notamment, par exemple, dans Lufthauser, qui était un jeu de tir un peu dans l'espace, voilà. Il tirait volontairement à côté du joueur pour lui donner l'impression d'être doué en esquive au début, pour l'abaisser un petit peu la difficulté. Voilà. Dans Far Cry 4, la précision des ennemis qui s'écartent de plus en plus, plus ils approchent de vous. Donc, au début, ils vous tirent, voilà. Moi, ils tirent bien, quoi. Mais quand ils s'approchent de vous, hop, ils tirent à côté et tout. C'est pour... Stormtrooper, quoi. Ouais, voilà. Pour donner l'impression que vous êtes bon. T'as aussi ta dernière balle du chargeur, elle est plus puissante. Que t'as l'impression que t'en es sorti in extremis. C'est ça. Tu t'as la dernière balle, le mec meurt, tu fais, waouh, c'est génial. Et du coup, ça te donne quand même, c'est con, mais ça te donne une sensation qui est cool, quoi. D'accomplissement. Donc c'est bien. Tant que le plaisir de jeu, il est là. Et je vous invite à lire pour approfondir un peu le papier dans Le Monde du 11 octobre. Ouais, il est très bien fait. Sur la difficulté casse-tête des créateurs du jeu vidéo, il s'appelle comme ça. Et par exemple, il y a un petit historique dedans, ça tombe bien parce que je voulais le faire et ils l'ont fait pour moi. Le petit historique sur l'instauration des PV et tout ça. Doom, en 93, était le premier à instaurer la barre de PV. Enfin, du coup, c'était plutôt des chiffres qui défilaient avec les medikits. Et il a fallu attendre Halo en 2001 pour avoir l'auto-regen de santé avec une armure et tout ça. Un truc qui est dans tous les jeux maintenant. Et Call of Duty en 2003, donc c'est super récent quand même, qui instaure la norme actuelle, c'est-à-dire que tu te mets à l'abri pour regen. Donc c'est-à-dire que voilà, quand t'es blessé, il suffit juste de se reposer. Je vais m'asseoir un peu, j'ai pris 3 balles dans le cœur. Et moi, ça m'a fait penser à un jeu. Alors, ça avant, c'était je mangeais un poulet aussi. C'est ça. Et moi, ça m'a fait penser dans Asterix, par exemple. Ça m'a fait penser à un petit coup de cœur que j'ai eu à l'époque. C'était début des années 2000. Ça s'appelait The Getaway, qui est un GTA-like dans Londres où vous jouiez alternativement deux personnages avec deux histoires qui se regroupent. C'était très intéressant comme jeu. C'était très difficile, très très très difficile. Il n'y avait pas de barre de vie, c'était une nouveauté à l'époque. Donc tu savais que t'en chiais et que t'avais pris des balles dans le corps parce que t'avais une tache de sang qui s'étalait sur ta chemise. Ouais. Et en fait, le truc qui avait fait sortir un peu les joueurs à l'époque de ce réalisme total, c'était que pour se soigner, il fallait s'accouder à un mur. Donc tu voyais ton personnage qui s'accoudait à un mur, qui soufflait comme si juste il avait tapé un sprint. Et une fois que c'était fait, hop, la tâche disparaissait et hop, t'avais regen. Donc c'est voilà, pas mal, quoi. C'est un peu c'était un peu symptomatique du truc du voilà, on vous fait croire qu'il y a une grosse difficulté et que vous avez pas de barre de vie et que c'est compliqué et tout, et ben quand même on vous donne le fait d'auto regen en se planquant, quoi. Et est-ce qu'il y a moyen d'avoir 30 secondes pour faire mon gros mon vieux, alors que j'ai encore un truc derrière, ça tombe bien. En fait, ce qui m'énerve là-dedans, c'est l'espèce de culture de la personne se plaint, donc on va lui donner un outil pour s'en sortir. Et je considère que même on peut étendre un peu ça, oui, alors là ça va devenir vraiment réac, mais à la société, tout ça, c'est en fait un peu je sais pas si c'est français ou quoi, hein, mais c'est la culture de la loose, en fait. C'est t'as pas réussi, bah viens, on va t'aider, on va te donner ton bac parce que avant c'était, enfin, non mais oui, alors c'est, on rigole, à l'inverse des États-Unis avec la culture de la victoire, enfin pas de la, ouais, victoire, c'est mais ça, de la c'est réussite, ça, c'est des trucs comme ça, quoi. Et en fait le nivellement par le bas, moi, enfin perso, c'est une théorie qui me, enfin une politique du moins qui me va pas du tout, et forcément bah ça tire les gens vers le bas, et donc oui, c'est très réac, mais j'assume pleinement. Ben, un dernier mot. Ouais, je veux juste dire que cette tendance à simplifier les jeux vidéo, il y a quelques années, on était vraiment dedans et c'était assez inquiétant. Mais je trouve que depuis qu'il y a la dispo, il y a autant de jeux indépendants qui sortent, et qu'on peut facilement y avoir accès, franchement, on a le choix. Justement, les nouveaux jeux en mode rétro gaming qui sortent, ils sont plus durs, justement, comme Cuphead. Y a de quoi faire. C'est un peu comme, voilà, on a le dans le cinéma, on peut aller voir un blockbuster qui va être consommer des images comme un peu passivement, comme ça, un cinéma facile. On a aussi du cinéma d'auteur pour ceux qui veulent se prendre le chou. Et dans jeux vidéo, c'est pareil. Tu peux acheter Call of et faire la campagne en 2 heures, il y a tout qui pète. Ou tu peux acheter Cuphead et puis galérer un peu plus, quoi. Ouais, mais Cuphead, tu vois, au final, t'as tous les gens, enfin, t'as 90% des gens qui vont pleurer, qui vont faire ouin ouin sur Twitter et partout. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment. Bah, c'est représentatif. Faut voir, c'est les mecs qui gueulent, quoi. C'est toujours pareil, ils sont pas nombreux, mais. Ouais, c'est les mecs qui gueulent, c'est ceux qu'on voit le plus, de toute façon, sur les réseaux. Donc. Très bien. Alors, en un mot, oui, non. Est-ce que les jeux sont plus difficiles maintenant qu'avant? Ah, bah, bien sûr, j'aime. Non. Ben? Bah, pareil. Mais, comme je disais au début, est-ce que ça les rend moins agréables, moins bons? Est-ce que les jeux vidéo sont moins bien parce qu'ils sont moins durs? Je pense pas. Oui, la question. Voilà. Merci pour ce débat. N'hésitez pas, vous aussi, à donner votre avis sur les pages officielles GameTrip.net et BLE Radio officielle sur Facebook. Et n'oubliez pas, on vous le rappelle une dernière fois, tirage au sort juste après l'émission, dans la journée, les South Park, l'Annale du Destin a gagné. Pareil, vous allez sur les pages Facebook de GameTrip.net ou de BLE Radio officielle et vous likez, partagez le dernier post et ça vous permettra peut-être de remporter ce superbe jeu sur PS4 que vous fait gagner aujourd'hui. Merci Ben, merci Jérém pour cette émission. De rien. Il vous en prie. Et on se retrouve alors sur bleradio.fr en podcast mardi soir 19h30 pour la rediffusion et puis aujourd'hui samedi dans la journée cet après-midi sur gametrip.net dans la rubrique podcast et sur la page d'accueil pour nous réécouter. En attendant, n'hésitez pas à aller sur gametrip.net pour tout savoir sur les jeux vidéo lise, hein, finalement. Je ne savais plus du tout quoi dire. Et en tout cas, à la semaine prochaine, samedi, 11h30, sur BLE Radio. Ciao. Salut. Plus proche des Lorrains, BLE Radio.